gens qui se conscientisent, des gens qui ne m'ont pas suivi pour se conscientiser, mais qui ont suivi quelqu'un d'autre. Et ces gens-là vivent des choses que la majorité de ceux qui m'ont suivi vivent aussi. La conscientisation supramentale, c'est quelque chose qui se fait et qui nécessairement entraîne des symptômes relativement similaires chez tous ceux qui la vivent. Il y a des gens dans mon entourage qui travaillent beaucoup plus consciemment l'élimination de ces symptômes négatifs et l'augmentation des symptômes positifs. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui venaient à mes conférences il y a cela 3, 4 ou 5 ans et qui, à un moment donné, m'ont quitté et la majorité m'ont quitté à cause de vous. Et ils ne vous connaissent pas nécessairement. Mais c'est qu'ils considéraient, ces personnes, que la gang de Ticlin qui m'entourait ne pouvait qu'être un frein à la révolution. Ils ont raison et ils ont tort. Parce que la gang de Ticlin, c'est bien souvent un mélange de personnes qui n'ont rien compris et qui suivent, de personnes qui ont compris et qui ne sont pas encore capables de se dégager de mon attraction, de personnes qui ont compris et qui se sont dégagées de mon attraction et qui ont maintenant la capacité mentale de travailler avec moi ou près de moi. Sauf que beaucoup d'individus, lorsqu'ils parviennent à une des phases de la conscientisation, une des phases que j'ai souvent expliquées, celle où subitement ils se rendent compte que ce qu'ils savent, c'est ça, que ce qu'ils croyaient vrai, c'est vrai. Autrement dit, la phase où, de la mémoire expérientielle, de la mémoire d'apprentissage de ce que j'ai dit, de ce qu'ils ont pris ailleurs, de cette mémoire, toute l'information est transformée en énergie. Alors, ils savaient qu'ils étaient manipulés, et subitement, ils découvrent que merde, c'est vrai. Ils l'ont toujours su. Ils en ont parlé. Ils ont même trouvé ça chiant. Mais subitement, ils passent à une nouvelle étape. C'est vrai. J'ai dit souvent en conférence que je manipule des gens. J'ai dit aussi que tout corps qui existe dans la création impose son espace-temps aux autres. Donc, que toute relation est nécessairement manipulation. J'ai bien souvent dit que je faisais des conférences parce que j'apprenais en faisant, que les gens venaient parce qu'ils apprenaient en venant, que nécessairement leur présence me manipulait, que je me faisais poser des questions parce que les manipulations sous forme de questions me branchaient, et que nécessairement mes réponses manipulent. Et à un moment donné, il y a une personne qui subitement découvre que tout ce que j'ai dit était vrai. Alors je suis un chien. Alors, je suis un manipulateur dangereux. Alors, je suis un être extrêmement intelligent qui manipule extrêmement subtilement. Bref, je suis tout ce que j'ai toujours dit que j'étais. Et il découvre aussi que les autres le manipulent. Découvrant que les autres le manipulent, il l'a toujours su. C'est ça qui est la différence entre la connaissance et le savoir. Il l'a toujours connu. Il a plus de savoir. Et subitement, l'individu passe à la phase de savoir, où là, ça a une autre saveur. Et ces personnes qui m'ont quitté dans les années passées, à cause de vous, à cause des Ticlins qui me suivaient, on a parlé le mois dernier du MTS, de la façon dont l'intellectualisme pouvait engendrer le martyr, la transition supramentale, et qu'il y avait une différence entre être mental et être intellectuel. Dans l'intellect, il n'y a pas d'intuition. Dans le mental, il y a de l'intuition. Celui qui est mental sait et a la capacité de comprendre même ce qu'il ne sait pas. Celui qui est intellectuel apprend. Il ne sait pas. Et parce qu'il n'y a pas d'intuition dans l'intellect, il n'a pas la capacité de comprendre ce qu'il ne connaît pas ou ce qu'il n'intellectualise pas. Il devient le MTS parce qu'il projette son ego à travers la forme qu'il voit. Et lui, dans la forme qu'il voit, serait telle chose. Nécessairement, la forme qu'il voit est cette chose. Il n'a donc pas la capacité de s'adapter à des points de vue différents. Il n'y a que son point de vue. Alors, ces personnages, lorsqu'ils regardaient certains d'entre vous, ils regardaient votre visage et voyaient le genre de sourire que vous aviez. Et se projetant dans ce sourire, se voyaient disciple total. Alors, ils voyaient devant eux un disciple total, un Ticlin. Si votre physionomie, si votre visage, la façon dont vos muscles sont placés, la façon dont votre ossature de visage est faite, si cela engendre, lorsque tous les muscles de la face sont relaxés, ce sourire, ça ne veut dire que votre visage aborde ce sourire lorsque vous dormez. Mais lui, selon sa constitution cutanée, musculaire et osseuse, lorsqu'il aborde un sourire similaire, il doit exprimer musculairement de l'ego. Et cet ego est un ego de servitude. Alors, se projetant dans votre sourire, il voit chez vous un esclave. C'est le MTS. Quand je dis que ces personnes m'ont quitté à cause de vous parce qu'ils voyaient des Ticlins, je n'ai pas dit que vous étiez des Ticlins. Ce que je vous explique, c'est que dans l'évolution de la conscience de l'humain, les derniers bastions de la récupération du monde de la mort sur le conscientisé sont des éléments qui vont forcer les conscientisants à saillir les uns les autres, à se détruire les uns les autres. Il y a des avantages intelligents à ce que les conscientisés se nuisent les uns les autres. Et il y a des avantages intelligents à ce que des conscientisants ne se nuisent pas. Vous êtes, et vous allez tous être sujets et sujettes un jour, à cette désillusion des dieux, à cette découverte que ce que vous savez, merde, c'était vrai, à parvenir à ce jour ou à cette nuit, vous allez comprendre d'une autre façon ce que j'ai dit. Et la façon dont vous allez le comprendre sera déterminée par votre capacité intellectuelle de vous projeter dans les formes des autres. Un individu ici dans la salle, habillé comme moi, assis sur ce fauteuil, se sentirait orgueilleusement puissant. Alors, il en déduit que présentement, j'ai un très gros ego et que je suis orgueilleusement puissant. Alors qu'un autre individu assis ici à ma place se sentirait comme dans son salon, aussi bien que s'il regardait la télévision ou s'il discutait avec un ami, sans ego, totalement vide. Et lui aurait l'impression que je suis totalement anégoïque. Et là, des individus vont commencer à prétendre qu'un tel devrait changer son nombre de formes. Parce que c'est un nombre de formes de chieux. Que tel autre devrait se maquiller un peu. On améliore son nombre de formes en fonction de ce que l'on veut réincarner, soi. On améliore son nombre de formes. Lorsque l'on rencontre certaines personnes, dans le but de se servir de notre onde de forme comme un levier pour bouger un événement, soit. Mais on ne change pas son onde de forme pour plaire aux conscientisants, pour que lorsque l'imbécile se projetant chez nous ne découvre que de la pureté. Parce que si vous rencontrez 50 conscientisants, vous risquez de devoir vous maquiller 50 fois par seconde. Plaire à chacun. L'évolution du conscientisant est déjà suffisamment complexe sans qu'en plus elle devienne compliquée. Je rencontre des personnes martyrs de la transition supramentale, des individus qui ne sont plus capables de me parler et qui ne pourraient plus non plus vous parler, qui d'ailleurs ne peuvent parler qu'à des plus faibles. Parce qu'un martyr de la transition supramentale, ce n'est pas uniquement l'individu qui ne peut plus me parler. C'est l'individu qui n'est plus capable de parler à égal ou à supérieur. Il ne peut donc que parler à inférieur. C'est l'individu qui devra vous convaincre, mais à l'instant où vous résistez, il va vous cataloguer. Vous ne pouvez pas lui parler. Et quand je dis ne pas être capable de parler à quelqu'un, cela veut simplement dire que tout ce que vous dites sert contre vous. Et ça, ne pas être capable de parler à quelqu'un, c'est pas qu'il ne vient pas vous jaser. C'est qu'il se pointe devant vous et il vous dit que c'est temps que vous vous réveillez. Mais c'est rien que c'est une farce, c'est des concepts, c'est des illusions. Et vous lui dites oui, mais le concept reste un concept chez celui qui ne comprend pas. Et il répond, ah ben t'es manipulé, ben mieux, ben plus que je pensais. Vous ne pouvez rien dire devant le MTS parce que vous n'avez rien à dire. Et ce que vous devez constater, c'est que tout ce qu'il vous reproche, c'est ce qu'il aimerait que vous soyez. Il veut que vous deveniez son disciple. Il veut que vous ouvriez vos yeux à sa parole. Il veut que vous accréditiez ses pensées. Il veut finalement que vous deveniez ce qu'il dit que vous êtes face à lui. Sinon, ah ben vous êtes bien plus mal pris qu'il pensait. Le MTS, c'est utile. Une antenne supramentale a comme fonction de créer quelques milliers de martyrs de la transition supramentale parce que l'intelligence supramentale dirigée par le plan bouddhique ne peut bannir de son plan l'humanité spirituelle. Il y a énormément de génétique qui présentement servent l'humanité spirituelle, servent la spiritualité dans toutes les phases de l'évolution. Parce que la spiritualité est caractéristique de la chute de l'homme. C'est elle qui inclut le mot chute. C'est elle qui inclut le mot péché. C'est elle qui inclut le mot servitude. C'est elle qui inclut le mot adorer, craindre et prier. Et toute forme de spiritualité est la transcription astrale des mémoires de l'archétype des fusions, c'est-à-dire dans les termes spirituels de la chute de l'homme. Toute forme de spiritualité, que l'être humain veuille servir Dieu, que l'être humain veuille servir des égrégores, que l'être humain veuille servir des maîtres ou des guides, que l'être humain veuille servir l'humanité, cela fait partie des phases d'involution. Nécessairement, étant donné que l'être humain a, depuis des millions d'années, adoré l'involution, lorsque un être conscient se lève, et commence à travailler pour la restructuration des corps de l'homme, la restructuration des mécanismes de fusion. Lorsqu'un humain, homme, femme ou enfant, se lève pour amener quelque chose de neuf, donc rien de ce qui a déjà été vécu par l'humain, il doit travailler contre l'involution. Travailler contre l'involution veut premièrement dire briser les formes. Vous aurez à briser les formes. Cela veut nécessairement dire refuser le passé. Et vous devrez refuser le passé. Cela veut nécessairement dire avoir une parole neuve. Et vous aurez une parole neuve. Cela veut nécessairement dire travailler à l'inverse de l'effusion, donc de l'involution. Et c'est ce que, de toute façon, vous ferez. Pas nécessairement publiquement. Vous n'avez qu'à ouvrir la gueule, la trappe, à parler quelque part. Et plus cela sera puissamment conscientisé chez vous, ce qui vous manque énormément, plus l'humain d'involution aura l'impression que vous êtes des êtres d'involution. La journée où vous parviendrez à ne plus souffrir des mortalités familiales, alors vous serez pour eux extrêmement involués, extrêmement robotisés, extrêmement sans cœur, extrêmement petits, extrêmement animal, insectes, microbes. La journée où de moins en moins les conditions astrales vont vous manipuler et vont atteindre votre fibre psychologique, on vous traitera encore d'extraterrestre, péjorativement. On vous traitera d'être luciférien. On vous traitera de débile, de psychopathe. Simplement parce que vous êtes supérieur et mieux qu'eux. L'homme, dans son évolution, je ne parle pas de l'involution, qui fait partie de l'évolution cosmique, dans son évolution planétaire, a le droit d'être différent. C'est essentiel. Il n'y a pas d'évolution dans le plagiat de l'involution. Il n'y a pas de libération dans la copie de l'esclavagisme. Et qu'est-ce qui nuit et qui fait tant souffrir celui qui se conscientise? Qu'est-ce qui l'empêche de monter suffisamment sur la côte, sur la pente de l'évolution, pour traverser finalement les dernières barrières, pour après ça descendre allègrement, d'une façon exponentielle, très rapidement, vers une liberté? C'est la guerre qu'il se mène, lui, contre lui, à l'intérieur de lui. Tout ce que j'ai expliqué du MTS, vous le vivez. Vous le vivez contre vous. Individu dans l'individu, à l'interne. La majorité des conscientisants saillissent eux-mêmes comme le MTS va haïr les autres. La majorité des guerres qui peuvent être visibles, lorsque l'on voit un sidatique, un sinistre individu dominé par l'astral, lorsque l'on voit un MTS, un martyr de la transition supramentale, et si on fouille convenablement et lucidement à l'intérieur de soi, on découvre que tout cela est déjà présent. La seule différence, c'est que le MTS finit par le projeter sur l'extérieur, alors que le conscientisant le conserve à l'intérieur. J'appelle cela fausse modestie. Finalement, celui qui se conscientise est de toute façon un martyr. Le martyr de la transition supramentale est celui qui va passer en dernier. Il est pire que vous. Mais tous ceux qui se conscientisent nécessairement sont des martyrs. Tous les pionniers, tous les colons sont des martyrs. La problématique, c'est qu'ils n'ont pas choisi d'être colons, ils n'ont pas choisi d'être pionniers, ils sont poignés. Et comme dans n'importe quoi, comme l'enfant qui va à l'école et qui perd 3-4 années à niaiser, tant qu'à perdre 3-4 années à l'école, réussis les dons. Tu auras de toute façon perdu 3-4 années. La journée que tu pourras t'en servir, tu verras que tu n'as rien perdu. Dans toute forme de colonisation, il y a des règles. Il y a des lois. Il y a des acceptations et des refus. Il y a des autochtones. Il y a les gens qui sont déjà sur la terre où vous voulez aller. Et que par notre point de vue, nous ne pouvons comprendre. Il y a ceux qui se sont déjà conscientisés par d'autres voies que les vôtres. Et qui normalement vont être rejetés par vos égaux. Il y a les colons qui proviennent de d'autres terres. et qui amènent nécessairement à la coloration de leur endroit d'origine. Il y a les Italiens, les Polonais, les Écossais, les Français, les Anglais, les Australiens. Et on se bâtit des ghettos. Le Chinatown, l'Italian Town, on appelle ça en anglais. On est des imbéciles Town. Et la colonisation se fait par la guerre. L'Angleterre contre la France, contre les Indiens, contre les Hurons, contre les Iroquois. Surtout que les Hurons font partie de la tribu des Iroquois. Du peuple des Six Nations. Dans le contexte supramental, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'homme, de son ego, projette toujours ce qu'il connaît, n'importe où il met les pieds. Que ce soit des pieds énergétiques, que ce soit des pieds physiques. Sur la Lune, l'homme a mis le pied. Et il est parti en laissant un drapeau revendiquant ce territoire. C'est de la colonisation. Dans le contexte supramental, nous ne devons pas coloniser comme l'humain a colonisé. Haïssez-vous biologiquement? OK. Haïssez-vous astralement? OK. Vous ne devez pas projeter la haine dans le mental, dans un monde nouveau, dans le neuf. Parce que le neuf ne peut apparaître convenablement si le vieux est dedans. La haine fait partie de l'homme, de l'animal humain. Lorsque l'être humain veut se conscientiser, il rentre dans un monde neuf, dans une société neuve, dans un contexte parallèle neuf, dans une conscience neuve. Et dans la conscience neuve, il veut y établir les lois qui l'ont forcé à fuir le vieux contexte. Il fuit la pollution, première chose qu'il fait sur sa terre, il met le feu à la forêt pour détruire les indigènes. Et il pollue son environnement. Ah, c'est jamais pareil. C'est pas la même chose. Nous, au moins, on sait ce qu'on fait. Ça ne durera pas. Par la suite, il a besoin de ciment. Il a besoin de plastique. Il a besoin d'énergie, de pétrole. Ah, c'est jamais pareil. Il fore le sol, il fait des mines, mais c'est pas pareil. C'est jamais pareil. Il lave son linge avec le vieux savon qu'il a amené, en attendant qu'il en trouve d'autres. Et il pollue son eau. C'est jamais pareil. Mais c'est toujours pareil. Celui qui se conscientise dit rejeter des choses. Nombre d'individus me disent avoir abandonné tout leur passé. Et en 30 secondes, je peux leur prouver qu'ils sont tout à fait connectés à leur passé. Alors, dans l'évolution neuf, dans l'évolution du neuf, il ne peut être question de snobisme. Il ne peut être question de parler contre quelqu'un. Il ne peut être question de sidatisme. Il ne peut être question de haine. Il ne peut même pas être question de jugement. Vous ne pouvez pas juger un individu. Parce qu'un individu, dans un contexte supramental, est un être humain en changement. Étant en changement, tous vos jugements sont des jugements du passé. Non avenus, non recevables, à rejeter. Lorsqu'un individu fonctionne uniquement dans la sphère astrale, lorsqu'un individu essaie de transposer sa vieille maison dans sa neuve maison, ce n'est pas du jugement que vous devez faire. Mais ça reste une constatation que lui conserve. Ce n'est pas vous qui jugez, c'est lui qui se juge. Et parce qu'il se juge, il conserve le passé comme étant un fait du présent. Alors, vous dites à l'individu, quand tu te verras différemment, reviens me voir. Et l'individu vous répond, c'est vous qui refusez le changement. Et là, dans les mêmes colères que d'habitude, avec les mêmes regards que d'habitude, dans la même forme que d'habitude, il essaiera de vous prouver qu'il n'est pas comme d'habitude. Celui qui se conscientise est coupable aux yeux de l'humanité, aux yeux des dieux, aux yeux des traditions, aux yeux du passé. Tout l'antihomme qui vous habite vous a donc déclaré coupable. Parce que les antihommes sont spirituels, on vous déclare coupable et réhabilitable. Et la grande lutte chez vous, contre votre évolution, c'est cette réhabilitation. C'est l'idée d'un changement qui passe inaperçu. C'est l'idée d'une explosion nucléaire qu'on prendra pour une luciole. C'est l'idée qu'on ne doit pas changer trop rapidement. C'est l'idée qu'on doit faire attention. C'est l'idée qu'on doit planter du blé sans trouer le sol. C'est l'idée qu'on doit planter un clou sans le frapper. Alors, les animaux humains deviennent lâches. Et dans leur rébellion contre eux-mêmes, ils peuvent devenir MTS, c'est-à-dire qu'ils vont forger des marteaux, tout faire pour que le marteau plante le clou, tout en prétendant pendant ce temps qu'eux sont contre les marteaux qui plantent des clous. Comme l'individu qui est en beau maudit, qui souffre énormément de voir la souffleuse broyer la neige, mais qui profite allègrement du chemin fait. Mais c'est pas pareil. Il profite du chemin pour pouvoir compter à plus de gens qu'on devrait détruire la souffleuse. Elle broie la neige. Elle est destructrice. Elle est dangereuse. Imaginez si un enfant tombe dedans. Imaginez la neige qui revole, ce qu'elle peut faire. Imaginez tout. Et la société en arrière se bâtit dans le chemin, déblayée par la souffleuse. Et tous les armes sont braquées vers la souffleuse. La souffleuse, c'est l'avenir. La souffleuse, c'est le broyeur. C'est le changeur. C'est le neuf. À l'intérieur de vous, il y a cet antihomme, ce récupérateur, qui fait tout pour détruire la souffleuse, qui fait tout pour vous empêcher d'avancer. La souffleuse, elle avance, et il y a tous ceux qui se servent du chemin, qui sont attachés après, et qui tirent dans le sens inverse. Alors, nécessairement, ça fait mal. Ça ne crée pas le doute. Ça crée le déséquilibre énergétique. Ce n'est pas du doute. C'est de l'insécurité. Ça crée qu'un jour, on est sûr que l'on sait, et le lendemain, on est sûr qu'on ne sait plus. Ça crée la déstabilisation de l'ego, du corps et du mental. Ça crée la souffrance. Un écœurement qui est suffisamment mental, un écœurement qui n'arrivera donc jamais à l'écœurement de l'écœurement, parce que le mental est capable de supporter une dose d'écœurement qui détruirait l'ego. Alors le mental va en supporter longtemps. L'évolution semble lente, semble incertaine, semble insécurisable, semble bizarre. On y goûte mal, on n'a pas la force d'en apprécier la saveur, on n'a presque plus la force d'en apprécier les nutriments, la nourriture et l'énergie qu'elle nous amène. Étant donné que l'antihomme qui tire sur la souffleuse cherche à l'arrêter, oui, mais de temps en temps, la souffleuse est allée dans un endroit où il n'y avait pas de neige. Elle a broyé de l'herbe. alors on peut pas s'y fier. Mais si la gang de cave aurait pas tiré sur la souffleuse un peu trop à droite, il l'aurait pas dévié de son chemin non plus. La souffleuse est fiable. Mais les événements internes, les événements involutifs qui habitent chaque humain, créent des déstabilisations de la souffleuse. Alors on se dit, tu vois, j'avais raison. Mais le lendemain, on n'a toujours pas plus raison. Raison. Parce que la souffleuse semble être revenue dans la neige, là où elle doit passer. Et avec l'expérience qu'on cumule de ses erreurs à la souffleuse, alors qu'en réalité, ce sont nos erreurs à nous. C'est comme de dire qu'un automobile ne tient pas bien le chemin. La preuve, quand je suis totalement ivre, je prends le champ avec. Donc, les amortisseurs ne sont pas corrects. L'alignement non plus. L'empattement. L'automobile elle-même. C'est dangereux. Il y a chez vous suffisamment d'énergie, suffisamment de savoir, suffisamment de connaissances. La majorité, ajusteurs de pensée opérationnalisables, d'autres opérationnels. Mais tout cela habite le corps physique. Tout cela a besoin du corps physique pour s'exprimer. Et dans le corps physique, il y a l'antihomme. Il y a les mémoires de vos ancêtres. Il y a le passé réincarné. Il y a le frein, le déstabilisateur. L'humain est bien dans l'inconscience, l'humain est bien dans la conscience, l'humain est mal entre les deux. Parce qu'à un moment donné, celui qui se conscientise, celle qui se conscientise, ne vit pas les souffrances de l'humanité. C'est quelque chose d'autre. On vous dira, oui, mais qu'est-ce que tu as à te plaindre? Tu es quand même bien habillé. Tu es souvent sur la corde raide, mais tu t'en sors. Tu as la capacité et la possibilité de vivre dans une société où de temps en temps, même pauvre, tu vois un film, une relaxation. Tu peux manger convenablement. C'est agréable. Tu as même accès de temps en temps à des conférences. Merde! Est-ce que tu as à te plaindre? La souffrance est autre. Ce n'est pas une guerre civile qui nous ferait souffrir. Ce n'est pas un tremblement de terre qui nous ferait souffrir. Ah, ça nous occuperait un bout de temps, mais c'est pas ça. Même une mortalité dans la famille, ça nous occupe un peu. Mais ce qui était avant persiste après. C'est une autre forme de souffrance. Qui est ténue chez certains, de plus en plus grandiose chez d'autres. Et bien souvent, cette souffrance, on ne la reconnaît pas. On refuse d'en voir la source et on la projette, encore une fois, vers l'extérieur, sinon vers l'intérieur. Une des lois majeures de la manipulation reste celle-ci. On ne peut manipuler une chose au-delà de ses capacités d'être manipulé. Lorsque l'humain dit « Oui, mais c'est l'astral qui me charrie », on ne peut vous manipuler au-delà de vos capacités d'être manipulé. À l'intérieur de vous, bouillonne beaucoup plus que l'astral. Trop souvent, ceux qui tirent la souffleuse font de la souffleuse un passe. Quand on commence à geler, à ne plus bouger, on libère un peu la souffleuse. Elle nous réchauffe sur la friction. Elle nous traîne à terre sur la neige ou sur la glace et ça nous réchauffe. Quand on est juste assez réchauffé, ah bien là, on dit que la souffleuse est mauvaise, c'est dangereux. Qu'est-ce qui m'a pris encore de la laisser aller? J'ai déjà fait plusieurs conférences sur le choix de l'homme nouveau, le choix de la femme nouvelle, sur la décision utopique que l'ego doit prendre, sur l'embranchement qui doit être fait. Est-ce qu'on l'a fait, la révolution, ou si on ne la fait pas? Et merde! Faut qu'on cesse de se poser la question. Faut qu'on dise non. Faut qu'on dise oui. On ne peut pas dire oui un jour et dire non demain, puis dire peut-être, puis je repense, puis je reviens. Est-ce qu'on sort du camp de concentration ou si on reste? Mais c'est une réponse de groupe individuelle. Individuelle parce qu'on n'a pas d'énergie ni de temps à perdre à dynamiser un groupe. Quand c'est une réponse collective, on met des ordres de propagande et on dynamise le groupe. On le motive. Et on dit, nous avons fait le choix. Quand c'est une décision individuelle, on ne peut plus crier. On ne peut plus dynamiser. On ne peut plus motiver. On ne peut pas dire, nous avons fait le choix. On doit juste être certain que nous, personnellement, j'ai fait le choix. Et je dois m'asseoir et attendre que d'autres, je aient fait le choix. Et par la suite, je dois être certain, avoir une garantie, que les gens qui ont fait le choix ne sont pas des ticlins, des andouilles, des individus qui ne jouent que le jeu d'avoir fait le choix, mais qui le remettent en question au fin fond d'eux chaque fois qu'ils rentrent chez eux. Parce que là, tout ralentit, tout stagne. Étant donné que vous faites partie des deuxièmes à pénétrer dans la conscience supramentale, votre chemin a été grandement facilité. Mais nécessairement, vous allez d'autant plus faciliter le chemin de ceux qui vont suivre. Alors, il y a encore de la neige à tasser. Le premier qui ouvrait le chemin avec les raquettes, on l'envoyait sans bagage. Parce que dans notre intelligence, nous nous sommes dit, il a déjà assez à taper la neige de 3 pieds avec les raquettes pour nous ouvrir le chemin. On va porter son bagage. On va le diviser et on va le laisser partir libre. C'est le premier à être passé. Il doit avoir une apparence d'avantage sur ceux qui suivent. Il n'a pas d'avantage. Chaque fois que dans la troupe, celui qui était en avant va en arrière pour se reposer, là où le chemin est le plus aplati. Il reprend son bagage. Et celui qu'on libère pour aller en avant continuer à ouvrir le chemin, eh bien, on doit porter son bagage. Mais nous sommes une troupe où nous nous posons toujours la question fondamentale, typique de l'animal humain. Je porte 5 livres du bagage de celui qui ouvre le chemin. Mais qui me garantit que lorsque ce sera mon tour d'être en avant pour ouvrir le chemin, on voudra bien porter mon bagage en arrière? Qui me garantit qu'on ne lâchera pas là, comme ça, fini? Autrement dit, qui me garantit que je ne me serai pas fait fourrer encore? Ça manque dans l'évolution de l'intelligence. Cette compréhension, cette complicité, cette relation énergétique, cette télépathie, cette solidification, à travers tous ceux qui se conscientisent à l'échelle de la planète, ça manque. Il y a 3-4 piliers qui traînent un peu sur la planète. C'est pas assez pour bâtir une bâtisse. C'est pas assez pour édifier un avenir. Et la majorité des anti-hommes à l'intérieur des conscientisants se disent, je vais attendre, me voir. 25 humains réunis. 20 humains doivent pousser. 15 humains se disent, on va voir avant. Alors, la souffleuse n'avance pas. 15 humains se disent, on le savait. On savait que c'était faux. On savait que ça n'avancerait pas. On savait que tu n'es pas capable. Mais si ces 15 humains-là auraient poussé, il y aurait tous eu tard. Parce que ça l'aurait avancé. Ça l'aurait bougé. Et on a le choix en tant qu'ego. Avoir raison et continuer à manger de la marde. Avoir tort et s'en sortir. La souffrance, ce c'est une guerre. Entre ce qui vous oblige à avancer et ce qui vous freine, ce qui vous oblige à reculer. J'expliquais lors de la dernière conférence que la fausse modestie est l'un des grands pièges du conscientisant. Il apprend. Imaginez bien qu'avec toute l'information que vous avez eue depuis des années, pour plusieurs, qu'avec toute l'information que nous sommes capables tous de mettre sur une table, qu'avec toute l'information que nous avons sur l'humain, sur l'ego, sur les misères, sur la gestion des plans archangéliques, sur énormément de choses reliées à l'évolution et l'involution de la planète, nous en savons possiblement plus que la majorité des plus puissants gouvernements de la planète. Alors que nous sommes encore restreints dans nos petits sous-sols, non chauffés, à nous demander si nous jouons un jeu, si nous sommes un terrain de jeu, ou si nous sommes réellement quelque chose. L'être humain est ce que les autres croient qu'il est. Votre gentilhomme doit être instruit. J'ai dit que lorsque vous vous habillez en peintre pour peindre un mur dans votre maison, vous n'aviez pas l'impression qu'il était de jouer le peintre. Vous ne vous dites pas, ben non, je m'habille comme ordinaire, je travaille toujours en cravate en veston, je m'habille de même, je peins mon mur, parce que crime, commencer à me déguiser en peintre, il n'y a rien de plus niaiseux, mettre une casquette de peintre pour me saler les cheveux, mettre des pantalons sales avec la peinture dessus de mes vieilles, mes dernières exploits de peintre. Mais non, je joue, là, pour qui je me prends, là, c'est une niaiseux. Fait que je suis toujours habillé, je suis habitué en veston, je m'habille en veston. Là, je peins. Comme ça, j'ai pas l'impression que je joue, là. J'ai l'impression au moins que là, c'est du terre à terre. C'est du sérieux, je suis moi-même. Ben, vous êtes un imbécile. Mais quand c'est pour faire des choses niaiseuses, pas de problème. C'est drôle comment on se déguise facilement en jardinier pour aller planter nos choux. Qu'on se déguise en vidangeur pour faire le ménage. Qu'on se déguise en peintre pour peindre. Bizarre. Sauf que on se réunit tous. Et on dit, on fait une journée où on va expérimenter c'est quoi l'armée. On est tous d'accord. Alors vous arrivez, on vous présente le sergent-major, celui qui va vous faire chier. On vous présente le colonel, le lieutenant, les généraux. On vous présente une hiérarchie. On vous dit où aller prendre vos uniformes. On vous fout dans des casernes. Puis on commence une journée. On pourra pas le faire. Pourquoi? Ah, vous n'allez pas prendre ça assez au sérieux. Mais c'est quoi la différence qu'on vous rentre dans la vraie armée, où des humains ont décidé que c'était l'armée, où des humains se sont mis général, et eux ont donné des hiérarchies en bas, où des humains ont décidé que le simple soldat passait caporal, puis que lui vous ferait chier. Il n'y a pas de différence. Puis en plus, là, on vous dit qu'allez vous faire tuer, puis vous allez y aller vous faire tuer. Parce que là, vous allez prendre ça au sérieux. Parce que vous ne savez pas où ça joue. Ça joue en haut. Puis comme vous ne pouvez pas atteindre le en haut, l'ego a plus l'impression que ça joue pas. Ah, mais ça, c'est l'armée, ça! C'est quoi? Être déguisé en soldat puis apprendre le saut en parachute? Ou être dans l'armée, habillé en soldat puis apprendre le saut en parachute? Pour la majorité des égos humains, c'est pas pareil. Dans un cas, il y a l'impression qu'il joue. Puis dans l'autre, il y a l'impression que c'est sérieux. Alors que la seule différence qu'il y a, c'est que si je vous présente quelqu'un qui est un sergent-major que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, vous allez penser que c'est sérieux. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez, ah, vous ne pouvez pas penser que c'est sérieux. On a fait une expérience. Il y avait des généraux. Puis le sergent passait son temps à engueuler le général, à ne pas l'écouter. Toute l'évolution est basée sur ce que l'ego décide que c'est. Je décide aujourd'hui que nous allons faire une messe. Alors, j'amène tout le kit. Et puis, de temps en temps, vous devez vous mettre à genoux, de temps en temps, debout. On récite, on psalmodie. Je ne pourrais pas le faire. Je vais vous dire, on fait une expérience. On ne pourrait même pas la faire, l'expérience. Mais qu'est-ce qui vous empêche tant de changer de point de vue? C'est pas jouer. Présentement, souvent, on a l'impression qu'on ne joue pas parce qu'on accrédite le point de vue dans lequel on est. Changez de point de vue au complet et vous n'aurez plus l'impression de jouer. Réincarner des mémoires du futur, réincarner des mémoires du présent, réincarner des mémoires complètes et convenables du passé, ça demande d'apprendre à changer de point de vue. Les égos disent à jouer. J'arrive habillé tout crotté, avec une chienne. C'est un vêtement, tout plein d'huile, tout barbouillé. Puis je vais voir quelqu'un, puis je lui dis, dans démarreur, là, veux-tu le change? Je peux te le changer, si tu veux. Ah oui? Ah oui? Vous mécanicien? Ben, c'est pas un Hitler. Ah, c'est vrai, question niaiseuse. Et puis, bon, je peux pas tripoter ses fils en dessous comme je voudrais. Mais je suis mécanicien, j'arrive avec un survêtement Adidas. Chandail écrit dessus que je joue au golf. Un peu sale, là, mais rien de... En pantalon court! Un mécanicien pantalon court, là, je dis, ben, ça existe à quoi? Et puis, je me présente. Et puis, non. Non, il va falloir que je convainque en motadi. Et vous, qu'est-ce que vous vous dites? Vous, les anti-hommes? Les anti-femmes? C'est que vous jouez. Mieux vaut être en pantalon court, puis se pointer avec un diplôme, que d'arriver avec une chienne pleine d'huile. Sans diplôme. Parce que là, au moins, on joue pas. Ah, c'est plus difficile! On perd des contrats! On a de la difficulté à vivre! Mais au moins, on joue pas. La question n'est jamais de savoir qui vous êtes. Ça, vous ne le saurez jamais qui vous êtes. La question est de savoir qui vous voulez être. Entre qui vous voulez être et ce que vous êtes, ce sera le chemin. Ne sachant qui vous êtes, vous ne savez donc pas exactement d'où vous partez pour aller vers ce que vous voulez être. Mais en sachant ce que vous voulez être, vous savez automatiquement ce que vous n'êtes. Sachant ce que vous n'êtes pas, vous saurez ce que vous avez à faire pour parvenir à. La seule chose qu'il y a, c'est que pour parvenir à être différent, vous devrez accepter du neuf. Pour accepter du neuf, vous devrez accepter ce que l'ego appellera jouer. Il y a des règles, il y a des lois. On va en reparler. Pour ne pas laisser à notre ego toute l'amplitude de jouer à notre place. Mais vous devez cesser de vous haïr, cesser de parler contre vous à l'interne, comme à l'externe, cesser de vous médiocriser à l'interne, comme à l'externe. Trouvez chez vous l'intelligence. Trouvez-la chez autrui et ne vivez qu'en fonction d'une relation d'intelligence à intelligence. Quand un individu est totalement astralisé, ne lui parlez pas. C'est pas nécessaire de l'haïr. C'est pas nécessaire de le démolir. Ça, c'est l'animal humain. Mais les animaux humains sont nécessairement inférieurs. Pas besoin d'être snob pour le dire. C'est évident. Celui qui est snob, c'est celui qui n'est pas sûr. Pour en être sûr, il détruit. Là, il est sûr. Puis quand l'individu se repointe avec son intelligence, c'est l'intelligence qui vous intéresse dans le corps. Certains animaux humains considèrent l'intelligence en fonction du corps physique directement. Ah, t'as les cheveux gris, t'es pas intelligent. Ah, t'es malade, t'es pas intelligent. L'intelligence, ça rend pas malade. L'intelligence, ça donne pas les cheveux gris. Ah, parce que l'intelligence a la même vision du mec que ton ego. L'intelligence, elle ne fait pas roter un conférencier. Voyons là. c'est une vision de l'ego, de l'intelligence. L'intelligence a d'autres occupations. Il y a des paliers, des marches à suivre pour changer, pour devenir. Finalement, vous allez devenir ce que vous êtes en éliminant une grande partie de ce que vous êtes. Vous êtes un gros amas de glace. On ne rajoutera pas de la glace pour faire une statue. On va noter. Sauf que l'ego ne fait pas de l'otage. L'ego fait de la transposition. Il a un autre autour du nez, puis je le colle ses fesses. Alors, jusqu'à quel point, à un moment donné, allez-vous être prêt à changer, à décider de jouer? Il y a un facteur de risque pour l'ego. Quand je dis un facteur de risque pour l'ego, je veux dire que l'ego aura l'impression de risquer. Mentalement, on ne risque pas. Comment on prend une décision? On va y revenir. Mais on devra accepter une dose de risque. Certains égos vont dire, oui, mais dans n'importe quoi, il y a des risques. C'est évident. Mais il y a des risques risqués, qui sont les risques neufs, et les risques moins risqués, qui sont les risques habituels, connus. Les risques sécurisants. Je me lance en affaires dans les hot dogs. Je connais ça, les hot dogs. Il y a des risques. Oui, il y a des risques. Mais tu es un peintre génial, ou encore tu es un mécanicien génial, ou tu es une intelligence géniale. Que dirais-tu de monnayer ton intelligence plutôt que de monnayer tes mains? Ah ben, c'est plus risqué! C'est simplement un risque neuf. Il n'y a pas de risque en réalité. Ça réussit ou ça ne réussit pas. C'est jamais risqué. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas risqué. L'humain ne risque jamais de tomber. Il tombe ou il ne tombe pas. Mais il n'y a pas de risque. Quand vous allez avec votre automobile, vous passez proche d'un fossé, puis vous revenez, « Hey, on a failli tomber, c'était risqué. » Manœuvre risquée. Pas de manœuvre risquée, tu peux tomber. Puis si on serait tombé, ça n'aurait pas été risqué, tu n'aurais pas risqué de tomber. Tu serais tombé. Toute la vie est basée là-dessus. L'idée fautive, illusoire, égoïque, astrale et spirituelle du risque. Quand vous allez jouer à la loterie, vous risquez de perdre. Vous risquez pas de perdre. Vous gagnez ou vous perdez, il n'y a pas de risque. Vous ne pouvez pas passer proche d'eux. C'est quoi passer proche d'eux? Le risque, c'est la capacité astrale de supporter le proche d'eux. Être à 1000 pieds d'une falaise, est-ce que c'est risqué de tomber? Certains vont dire oui, d'autres vont dire non, à 1 pied, c'est risqué. D'autres vont dire, ben non, à 6 pouces, c'est risqué. D'autres, à 2 pouces, c'est risqué. Une dose pas risquée, ils sont tombés. Le risque. Ça n'existe pas, le risque. On doit s'asseoir, on doit envisager les choses, on doit laisser des trames pour que l'intelligence règle, c'est-à-dire nous détourne ou nous confirme. Mais c'est pas risqué. Qu'est-ce qui est risqué dans la vie? Perdre ce que vous avez accumulé en argent? Toute votre vie, c'est risqué, si ça vous intéresse. Ne pas l'avoir perdu, n'avoir rien fait avec, c'est pas un risque, c'est un état. D'avoir voulu faire et de l'avoir perdu, pas un risque non plus, c'est un état, c'est un fait. Humains, 50, 80, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000. Millionnaires tous, avec leur instabilité évolutive. Leur jamais savoir s'ils le font ou pas. Pendant ce temps-là, 15, pauvres, déterminés, commencent à travailler. Ben, les millionnaires, quand ils vont se réveiller dans une société déjà changée, dans laquelle les règles auraient été apportées par les pauvres. La médiocrisation, la fausse humilité, l'impression de jouer, la haine, du neuf, le sida interne, le MTS interne, votre souffrance mentale. C'est les gros pièges. À un moment donné, vous n'avez même plus besoin d'informations. Tout ce qu'il faut faire, c'est attendre que ça fermente. Parce qu'il est temps qu'on applique. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Ah, il y a beaucoup de choses de fait. Mais il en reste encore beaucoup à faire. Dans l'individualité. Bien souvent, l'ego va dire « Oui, mais je ne sais pas quoi faire. » Mais tu es disponible, c'est tout. Il y a en masse à faire. Alors, c'est quoi le plan? C'est pas de plan. Pourquoi faire un plan? On fait un plan de guerre alors qu'on n'a pas d'armée. Oui, alors. On fait un plan de... où on se rend, de reddition. Pas un plan de guerre. Alors, quelqu'un arrive et dit « Moi, j'aimerais former une armée. » Alors, pour former cette armée, puis-je connaître le plan? Oui, le plan, voici, à 10h25, on signe le traité de reddition. C'est le plan. Alors, l'individu dit, pas besoin d'armée pour ça? Non. Mais s'il y a une armée, on peut changer le plan. Ah bon, alors, c'est quoi le plan s'il y a une armée? Il n'y a pas de plan s'il y a une armée. Est-ce qu'il y a une cavalerie? Est-ce qu'il y a des blindés? Est-ce qu'il y a des aviations? Est-ce qu'il y a... On ne sait pas. On n'a pas d'armée. Pas de plan. Première chose à faire, donc, c'est constituer une armée. Alors, constituer une armée, c'est d'aller chercher des gens. Et les gens disent tous, oui, d'accord, mais t'as, ça va être quoi le plan? Il n'y a pas de plan. Pas de plan, on ne va pas là-dedans, moi. Vous savez qu'il y a une différence entre manipuler des masses d'animaux et manipuler des masses d'êtres humains. Si on fait un plan pour aller convertir les gens à embarquer, d'accord, on est encore dans le passé. Si les individus décident individuellement de faire une chose, et que ça devient logique de le faire dans une même direction, il y a une armée. Le plan va se faire automatiquement en fonction des capacités de l'armée. Mais de base, demandez-vous pas qu'est-ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas le savoir, ce que vous allez faire. Pourquoi? Vous ne savez pas avec qui vous allez le faire. Vous ne savez pas de quoi vous allez être entouré. Vous ne connaissez pas vos capacités parce que vous les avez réfrénées et ignorées. Et nécessairement, vous ne connaissez pas les capacités de l'événement, de votre entourage. Moi, je décide de faire quelque chose et je suis pris avec deux poseurs de tapis. Alors, mon plan va être différent de si je suis pris avec deux millionnaires. Mais le plan avec les poseurs de tapis n'est pas nécessairement plus mauvais qu'avec les millionnaires. Mais aussi efficace. La différence, c'est de savoir qui, avec quoi, on fonctionne. Comme les égaux sont toujours médiocres, ne savent jamais s'ils vont se chier dans la face eux-mêmes, alors ils ne peuvent pas faire confiance à personne. Faire confiance, non. Mais on doit finir par avoir la garantie, la certitude que nous sommes programmés mentalement et supramentalement de façon à ne pas fourrer personne. Cela, on doit se changer et on doit faire ce que l'ego appelle le risque. Le pire qui arrive quand on risque, c'est que ça ne fonctionne pas. Et on se ramasse au point de départ. Mais un point de départ, ça sert à départir. C'est là qu'on commence. On fait une pause.